C'est près de moi. Bienvenue à tous, sauf aux pédophiles, là, c'ti. Hey, ça gaze, les schizos. C'est parce que, non. C'est schizopas numéro 12. Ça fait 12 épisodes qu'on roule notre boss pis qu'on a juste pas d'auditeurs, sauf, sauf Marc Latrémouille. On a-tu toujours deux ou on les a? Non, ils ont tous arrêté ça, eux autres. OK, fait qu'il y a juste nous qui nous écoutons. C'est ça. Moi, j'écoute même pas le podcast en plus. Au micro! Ça fait weird de parler Christian comme... Christian Jodoin, pis y a personne qui nous écoute, je sais. Non, mais ce qui est fun, c'est qu'on parle là, pis après ça, quand je me réécoute, je fais ça, j'apprends des affaires. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, en fait, on est trois. Moi, je les réécoute pas, ben, en tout cas. Bref. Fait que lui, il vient de parler, c'est Marc Jodoin. Puis l'autre, à ma droite, c'est Marc Latrémouille. De retour dans l'antre du n'importe quoi, où on y trouve de tout, même des hosties. Car nous sommes dans une église. On a en effet chacun commis un petit délit, un petit larcin. Pourquoi? Pour savoir si en étant entre ces quatre murs religieux, on avait encore droit à l'immunité. Parce que il paraît que les criminels, quand ils vont dans les églises, les policiers ont le droit d'aller les chercher. Où t'as vu ça? Ça fait longtemps, j'avais entendu ça quelque part. Ça fait tellement longtemps que ça fait 1000 ans, genre. Il n'y a pas un moment donné, au Québec, à Montréal, des immigrés qui ont été dans des criminels, une église. Non, mais illégaux. Pour le droit d'asile. Mais tu parles de criminels ou tu parles de réfugiés? Les deux, c'est la même chose. Ben, les réfugiés, ils sont rentrés par la porte de l'arrière. Ils sont rentrés illégalement. C'est depuis le 16e siècle que les églises n'ont plus ce droit-là par rapport aux voleurs, par rapport aux tueurs, aux violeurs, aux criminels de toutes sortes. Mais attends une minute. Avant d'entrer dans ta petite recherche rapidement, ben, soit que tu parles de ta recherche, ben, soit qu'on dit nos crimes. Allez-y, dites vos crimes. Ben écoute, moi j'ai jamais fait de crime en tant que tel. Quand j'étais jeune, je me vantais juste pour être un petit off que j'avais volé une gomme ballon au dépanneur alors que c'était faux, j'avais jamais fait ça. Tu passais pour un tough? Mais ça, je passais pour un tough. Puis toute ma vie, je me suis dit, j'ai jamais fait de délit, rien de ma vie. Jusqu'à ce que d'un coup, ça fasse bing dans ma tête. Les personnes qui nous écoutent, là, fait que vas-y. Ouais, ça a fait bing dans ma tête. Puis là, d'un coup, j'ai fait, c'est vrai. Il y a 25 ans, j'avais une blonde qui étudiait à l'université, ben, elle avait besoin de crayons, de liquid paper, de marqueurs. Fait qu'à job, j'ai comme pris ces affaires-là. Puis là, je me suis senti mal pendant des années d'avoir les crayons. Ouais, tu vois comment. Tout le monde le fait en plus. Tu vois comment que je suis. Mais. Là, t'as envoyé une lettre à la police, puis tu leur as dit. Non, la compagnie a fait faillite. Sûr et certain, c'est à cause des trois crayons à mine que j'ai volés. Mais, ça pour dire, le vrai larcin, là, je pensais pas en faire un, mais c'est dernièrement, justement, j'ai fait passer des illégaux au Québec. Puis, sais-tu, c'est où je les faisais passer? Pas où est-ce que les postes frontières, non, c'est à la ville de Stansted. Je sais pas si vous connaissez dans les cantons de l'Est. Stansted, il y a une bibliothèque qui est exactement ping sur la frontière. La porte d'entrée est au Québec, puis la fond du salon est aux États-Unis. Fait que j'ai fait passer par la fenêtre d'en arrière, ils étaient aux États-Unis. Puis après ça, il allait jusqu'en avant. Puis sais-tu quoi? L'église est en face de la bibliothèque. Puis on courait jusqu'à l'église, puis voilà. Je suis là depuis ce temps-là. Ben c'est ça. Avec des illégaux. Tu fais bien. Moi, c'est un peu différent. C'est assez différent. Moi, j'ai surfé peut-être en retard, là, sur la vague. Vous avez sûrement entendu parler la vague des clowns terribles. Aux États-Unis. Ouais, mais ils sont répandus même en Europe. Ouais, ben c'est ça. Fait que je me suis déguisé en clown. Puis là, j'ai été chanter dans une salle pour faire peur. Sauf que là, j'ai vu que... Une salle de quoi? De juifs? De petits vieux? Non, mais j'ai retourné de bord parce que c'était une conférence de climato-sceptiques. Fait qu'ils sont encore plus clowns que moi. Fait que j'ai dit « fuck you », je m'en vais dans une maternelle. C'est encore mieux. Fait que c'est ça, j'ai fait peur à certains enfants. Mais pour ceux qui, pour la petite histoire là, des clowns d'Halloween, là, vous, qu'est-ce que vous savez de ça? Rien. Avez-vous déjà vu des vidéos sur YouTube? Plein de vidéos, plein de photos. J'ai vu le film It de Stephen King. Ah, OK. Non. J'ai vu que même les policiers arrêtaient les gens qui étaient sur la rue, qui étaient juste habillés en clown. J'ai même vu des policiers qui tiraient sur des noirs dans les vidéos de ça. C'est pas des clowns, les noirs? Non, je sais pas. OK, non, mais je sais pas si ça... En tout cas, fait que c'est ça. Fait que moi, je suis déguisé en clown, puis les policiers sont après moi. Toi? Ben moi, je suis allé dans un resort, asti, il faisait beau. Fin de semaine que je suis là, je trippe bien raide, il fait chaud, je suis bien, j'ai pas le goût de retourner chez nous, fait que je suis allé m'enfermer dans une église pour être sûr de pas retourner chez nous, parce que je suis trop bien. Réfugié illégal dans un pays chaud. OK. OK. OK. Je ne comprends pas. Que tu ne comprends pas? Ça te sert pas avec moi? Non, non, mais je te pointais. Ah, non. Ah oui, ben oui, j'ai même pas passé. Ben moi, j'ai fait le lien. Non, ben il y a un lien aussi. Tu vas me parler de ton voyage intrapique. Oui, tantôt. En bateau. Tu l'as influencé. Tantôt. Mais le droit d'asile existe depuis la plus haute antiquité. C'est un lieu qui a une forme d'humilité, puis celui-là peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être un temple, ça peut être une église, ça peut être une ambassade. C'est pas nécessairement associé aux églises seulement, parce que dans l'Antiquité grecque, c'était dans les temples. Les prêtres s'étaient donné l'espèce de sacralité de rendre le lieu, de donner une certaine humilité lorsqu'il y avait des guerres entre les différentes villes. Plus tard, au Moyen-Âge, ça s'est officialisé au niveau légal. Et plus tard, au 16e siècle, ça a été éliminé parce qu'il y a eu, pourrait-on dire, certains abus. Mais au début, au début du Moyen-Âge, toutes les églises avaient le droit d'asile pour les criminels, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les voleurs, les malfaiteurs, etc. Les tueurs aussi, les assassins aussi, sauf que les seuls qui ont jamais véritablement eu ce droit d'asile là, c'est ceux qui devaient de l'argent à l'État, par exemple. Fait que les fraudeurs, ceux qui volaient le fisc, etc., eux n'ont jamais eu le droit à l'asile. Les autorités allaient le chercher. Notons aussi que pendant toute cette période là de l'Antiquité au Moyen Âge, c'était des droits d'asile qui étaient respectés, pas tout le temps. Des fois, les autorités rentraient à l'intérieur, allaient chercher la personne qui était protégée, puis les prêtres devaient être en crise. Ouais, ben des fois oui, des fois non. Donc bref, au 16e siècle au Moyen-Âge, toutes les églises aient le droit d'asile. Après, plus tard, ça a été seulement certaines églises, certains lieux qui ont eu le droit d'asile, pas toutes les églises. Et au 16e siècle, commençant par la France, ben le droit d'asile a été éliminé. Ça s'est transformé au 20e siècle. Donc, tout récemment, un droit d'asile pour les réfugiés. Et là, j'ai trouvé toutes sortes d'informations assez hallucinantes sur les réfugiés au Canada. Je me suis attardé au Canada pour me rendre compte que le Canada, qui est un pays à bras ouverts, était vraiment une fausseté totale. Bon, ils vont encore chier sur son pays. non, vous allez voir, c'est assez affreux. Puis d'ailleurs, l'article que j'ai lu date de février 2016. Première chose que je voulais faire, c'était qu'en 2015, à Vancouver, il y a un Péruvien, un Salvadorien qui est resté 2 ans dans une église parce que c'était un réfugié illégal. Il y a eu des démarches faites par sa famille, ses amis, ses avocats. Et après 2 ans, il a réussi à avoir la citoyenneté permanente et il a pu sortir de l'église. Donc, en 2015, à Vancouver, mais en Colombie-Britannique, un homme, un Salvadorien, a pu profiter du droit d'asile d'une église. C'est les églises unitariennes au Canada qui ont seulement ce droit-là, pas n'importe laquelle, seulement les églises unitariennes. Sauf qu'en 2004, c'est intéressant, à Québec, un Algérien a demandé le droit d'asile dans une église parce qu'il faut faire une demande dans une église. C'est pas genre, tu cognes, tu rentres, les prêtres t'accueillent. Il faut que tu fasses une demande à l'église pour avoir ce droit d'asile-là. Ça demande aussi un peu de papasserie. Bref, en 2004, c'était la première fois au Canada que les flics sont rentrés dans l'église, ont forcé le droit d'asile, ont brisé le droit d'asile pour aller chercher le ressortissant algérien, dont le nom est Mohamed Cherfi, probablement un notoire terroriste. Et ça l'a fait un scandale dans l'église parce que le ministère de l'immigration avait brisé cette espèce de loi sacrée-là qui existait depuis le début du 20e siècle. Aujourd'hui, le mec a réussi à... Il a été déporté aux États-Unis. S'il retourne en Algérie, il y avait de fortes chances qu'il se fasse tuer. Mais bref, quelques années plus tard, je pense 8 ans plus tard, il a réussi à revenir au Canada. Mais sais-tu si la demande est acceptée, là, sont-ils nourris logés? Ah oui, l'église? Dans l'église, ils sont nourris logés, mais nourris logés, oui, puis non, il faut que les amis viennent fournir de la nourriture et tout. Les églises n'ont pas nécessairement les budgets pour ça. J'ai lu des articles par l'église unitarienne, qui a des lettres envoyées à leurs différents prêtres pour expliquer la situation de 2004. Et les échanges entre le ministère et une femme à l'époque, la ministre de l'Immigration à l'époque, conservateur, semblaient être extrêmement de mauvaise foi, associaient les réfugiés à des dangers et à des criminels. Et il y a eu énormément de travail pour faire avancer les choses. Denis Coderre, qui était un ministre à l'époque, c'était pas les conservateurs, c'était les libéraux, avait promis une super belle loi qui a jamais été appliquée. Donc, beaucoup de paroles des politiciens, mais absolument rien qui a été fait. Là, je voudrais juste terminer par une chose qui m'a absolument flabbergasté sur les réfugiés, parce qu'au Canada, il y a juste les réfugiés qui ont le droit à l'asile dans les églises. On le fait encore, même au Québec, parce qu'il y a une famille turque qui en a profité il n'y a pas super longtemps, 2015 ou 2000. Ouais, je sais plus qu'il y a une famille turque. Elle a pu en profiter. Donc, les flics vont pas aller faire un sacrilège puis rentrer dans l'église dans n'importe quelle situation. C'est que je me suis rendu compte qu'il y a entre 20 000 et 60 000, grosso modo, demandes de réfugiés au Canada, d'immigrants qui rentrent au Canada. Là-dedans, il y en a qui ont des papiers, il y en a qui n'en ont pas de papiers. Il y a entre 2 000 à 4 000 réfugiés qui, pour toutes sortes de raisons administratives et non pas criminelles, je veux le souligner, non pas criminelles, parce qu'il y a des réfugiés criminels au Canada. Est-ce que vous savez combien il y en a eu? Réfugiés criminels au Canada? Ouais. 15. Zéro. Donc, associer les réfugiés à des terroristes, c'est purement de la propagande et de la désinformation de l'extrême droite et de nos politiciens. Mais bref, il y a entre 2 000 et 4 000 réfugiés par année qui sont arrêtés, qui sont mis en prison pour toutes sortes de raisons administratives. Et comme il n'y a pas nécessairement de lieu pour subvenir à les besoins, on les met dans des prisons comme on met Bob Moucher, par exemple, un pédophile ou un criminel notoire. Sauf qu'il y a aussi des familles avec des enfants. Il y a entre 100 et 200 enfants qui sont également en prison au Canada en ce moment parce que c'est des réfugiés. Ils n'ont pas les documents adéquats pour pouvoir rentrer dans le pays et ils peuvent rester là entre 23 jours, quelques semaines à plusieurs mois. Jusqu'à temps qu'il y ait des démarches qui se passent. Ce qui montre que le Canada est très, très ouvert. Il n'y a absolument aucun vouloir des politiciens par rapport au problème de réfugiés au Canada. Il n'y a aucun budget qui est alloué à cette situation-là. Puis il n'y a absolument aucun personnel qui est alloué non plus à ça. On parle beaucoup des Syriens, mais les Syriens, ça représente une partie des réfugiés qui font des demandes au Canada. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, le Canada, un grand pays à beau vert, c'est de la foutaise. Les Syriens avaient été hébergés dans un hôpital à Montréal, un hôpital qui ne servait plus. On avait été tourner une télésérie dedans. Il n'y a pas juste les prisons, il y a aussi les vieux hôpitaux. Ouais, mais là, j'imagine que ces Syriens-là avaient déjà été acceptés. Ouais. Ouais. Mais sinon, l'hôpital aurait pu devenir un droit d'asile, donc l'autorité politique, par exemple, n'aurait pas pu aller les sortir pour... par exemple, comment il s'appelle le fondateur de WikiLeaks? Il se trouve dans un droit d'asile, dans une ambassade, dans un pays. Pareil comme on pourrait dire... Snowden. Snowden, c'est la même chose. C'est un petit peu des formes de droit d'asile, parce qu'un droit d'asile, ça peut pas être nécessairement un lieu physique comme une église, un ambassade. Roman Polanski. Ça peut être un pays aussi qui offre le droit d'asile. Par exemple, on offre souvent le droit d'asile à des grands criminels africains au Canada. Pour les aider au cas où, pour pas qu'ils subissent la justice de leur pays pour avoir commis des génocides. Mais ça, on offre le droit d'asile à ces gens-là qui ont beaucoup de fric. OK. Fait que finalement, ça va cogner à la porte et on va se faire arrêter. C'est clair. Surtout Martin Trémouille avec ses crayons, là. Il va y passer. Ah, c'est t'as raison avec mes crayons et non avec les immigrants que j'ai fait rentrer illégalement ici. Hey, mais tu sais, je parlais du village de Stanstead. Vous avez jamais entendu parler de ce village-là qui est vraiment bien sur la frontière? Si tu traverses la rue, c'est le même village, mais sauf qu'au du côté des États-Unis, ça s'appelle Derby Line. Puis il n'y a aucun poste frontière, là. Tu traverses la rue, t'es rendu aux États-Unis. Tu traverses la rue, t'es rendu au Canada. Ton passeport, lui? Je sais pas, faudrait que j'aille faire un tour là-bas. Mais j'ai vraiment. Si disons, t'as le droit de fumer du pot au Canada, il va se passer quoi là-bas? Genre, tu peux fumer d'un côté de la rue, puis l'autre côté de la boucane. La boucane, là-bas. La boucane, l'autre côté, est illégale? Je sais pas, mais sauf que j'ai fait des recherches Google, j'ai regardé les photos Google, puis tu vois, le monde traverser. Sur Google Street View, tu vois une femme traverser la frontière avec son petit carrosse là, à enfant. Puis il y a rien, il n'y a aucun policier pour l'arrêter. Mais Donald va venir changer ça. Parce que déjà, dans les aéroports, moi, j'ai été victime de... Pour vrai? Des témoins de changement. Je sais pas si depuis qu'il est là, mais je veux dire que ça l'a... il y a beaucoup plus de procédures, puis c'est assez long, puis c'est plate en crise. C'est quand la dernière fois que tu avais été à l'aéroport? Avant, il y a une semaine. Ouais? Avant ça? C'est-tu avant 2001? Non, c'est après. C'est après, OK. Parce qu'après le 11 septembre, moi, j'ai trouvé qu'il y a une grosse différence, là. Oui, mais là, il y a d'autres choses. Encore pire, OK. Voilà, même plus d'autres téléphones puis de tablettes. Mais oui. Hey, pourquoi? Ah, téléphone, je l'avais, moi, mon téléphone. Non, mais la loi était faite après que tu sois parti. Oui. Hein? Elle est tout récente. Plus de téléphone dans l'avion. En tout cas, les États-Unis. Je sais qu'Air France se pose la question. Ouais, ouais. L'Angleterre, eux autres, c'est sûr qu'ils suivent les États-Unis, puisque l'Angleterre, c'est un pays extrêmement raciste. Mais les États-Unis ont fait la loi, puis je pense que le Canada va suivre aussi. Mais attends, plus le droit de tablette, oui, mais j'ai pas vu téléphone. Téléphone aussi? Téléphone aussi. Il doit être d'objets électroniques dans okay. la cabine de l'avion. Il faut que ça soit dans la soute. Puis la raison, t'as pas... Ah, faut que ça soit dans la soute. La okay, seule raison que je vois, c'est que tu peux faire sauter ta bombe à distance avec ton téléphone ou ta tablette. Là, mais en même temps, les bouteilles d'eau... C'est un film à Liam Neeson, ça. Justement, à un moment donné, il contrôle avec le téléphone, il contrôle les bombes avec son téléphone. C'est de la paranoïa totale. Là. Je pense que c'est totalement justifié. Là. Mais c'est quoi dans l'aéroport que tu as vu? je vais te rendre là tantôt. Bientôt faudra te rendre dans les aéroports en bobette. Non, mais je peux le dire. Non, mais c'est long, mais c'est ça, tu sais, il est à la fouille, là, enlever ses souliers puis tout ça. Je suis avec un gant puis penche-toi. Non, mais j'ai été fouillé, moi, en revenant, par contre. Il m'a tenté le pénis puis tout. What? T'as jamais ça? Ben, pas tenté le pénis, mais moi. Ouais, m'a fouillé. Christine, elle a une fouille au hasard, là, tu sais, des fouilles OK, toi au hasard, calvaire, au complet. Au complet. Non, mais elle, c'est ses valises. Okay. La raison était niaiseuse, c'est à cause qu'elle avait juste. C'était vraiment niaiseuse, c'est qu'elle avait juste pour genre 80 ou moins de biens achetés là-bas, de dollars. Elle avait dépensé 80$ en assaut, puis eux autres, ils trouvaient ça bizarre. Ils disaient habituellement les gens dépensent plus. Fait qu'on va. Tu dois nous mentir. Fait qu'on va fouiller tes valises. C'est ce qu'ils ont dit, c'est ça, j'ai trouvé ça. C'est ça qu'elle y a dit. La femme, elle l'a dit à Christine. Moi, j'ai trouvé. Christine, as-tu dit que vous êtes une grosse conne? Elle a dit que t'es une grosse vache. OK. Fait que là, t'es encore là-bas à l'aéroport. Ouais, non, moi, c'est ça. Moi, pourquoi j'ai été fouillé? En tout cas, j'ai fait bip-bip encore, calvaire. Je sais pas pourquoi. Là. Les deux fois, j'ai fait bip-bip. Tu t'en posais un peu. Première fois, c'est parce que j'avais mon téléphone dans les poches. Là, la deuxième fois, personne ne le savait. Je pense que c'est à cause de ma ceinture, mais malgré tout, il m'a tout décrit ce qu'elle allait me faire. Il a dit, est-ce que tu veux qu'on aille dans une salle isolée ou ben tu veux faire ça devant tout le monde? Je dis, ben, Chris, ah ouais, devant tout le monde. Fait que, il l'a fait devant tout le monde. Là, à chaque fois qu'elle allait faire de quoi, elle me le disait. Fait que là, je vais mettre ma main, je vais gosser là, au niveau de ta verge, au niveau de tes fesses. Tu m'as regardé, c'est correct? Mais oui, c'est correct. Puis là, tu sais, il palpait pas à graines, mais tu sais, il fallait, tu sais, voir s'il y avait quelque chose. Pis l'autre affaire qu'il y avait, la procédure, c'est ça, c'est des petites machines. Toi, ça fait combien de temps que t'as pris l'avion? Eh, hey, ça fait longtemps. C'était en 2004. OK, toi? 5 ans, à peu près. Il y a des petites machines, pis là, c'est une personne. Une personne par adresse va à la petite machine. Je suis niaiseux. Il y a 2 ans, moi aussi, je sais pas combien m'oublier. Pis tu vas, t'as une petite machine, pis là, prendre 20aine de machines, pis là, ça fait la file. Pis là, faut que tu prennes ton passeport, tu le fasses scanner, tu réponds à des petites questions. Ouais. Tu prends une photo, une autre photo. L'objet prend une photo de toi. Mais t'es où, là, au Canada, aux États-Unis? Là, j'étais à l'aéroport du Canada. En revenant... Non, c'est le Canada qui est malade de même. Non, c'est Donald Trump qui exige ça, je pense, pour aller aux États-Unis. Moi, là, ce que j'ai trouvé assez bizarre, c'est que j'étais à Las Vegas il y a 2 ans, puis... habituellement, tu prenais l'avion, puis après ça, rendu aux États-Unis, tu passais les douanes là-bas, puis c'est là-bas qui... Mais là, c'est les douaniers américains étaient à Dorval avant que tu prennes l'avion, puis ils te fouillent là, puis ils font toutes les... Ils se protègent bien plus si ils vont dans le pays étranger, puis ils s'implantent là pour se protéger. Ouais, mais j'ai lu que les douaniers, comme ils sont dans un contexte que si la personne refuse, ben elle va pas dans le pays où elle veut aller, il y a beaucoup de douaniers qui en profitent pour faire des choses qui sont pas tout à fait légales ou d'user de mégalomanie ou d'abuser tout simplement. Si t'es pas content, ben crisse ton camp dans ton pays. C'est ça le danger avec les douaniers, de avoir les estis là-dedans. Ouais. OK, fait que c'est rendu vraiment malade, là. Ouais, puis c'est pas agréable, ça donne plus le goût de voyager. Mais bref, ben c'est ça. Fait qu'on va attendre qu'ils viennent cogner pour nous chercher. OK! Non, je vais faire un petit retour, hein. C'est quoi, donc, il y a 2 semaines? Qu'est-ce qu'on était supposé faire? Mesmer! C'est vrai? Mesmer, on l'a rencontré? Ouais. Bon, je me souviens plus. Puis moi, il m'a dit. Il m'a regardé dans les yeux, puis il m'a dit, toi, tu vas aller en croisière, puis tu vas t'amuser. C'est ce que j'ai fait! J'ai juste trouvé des œufs dans mes culottes, là. Puis vous, il vous a dit, vous autres, à son retour, vous aurez le droit d'y poser 3 questions chaque! Fait que vous avez le droit de me poser 3 questions chaque sur mon voyage. C'est ton voyage. Première question, quoi? T'as-tu trompé ta blonde en voyage? Non. Y a-tu fait chaud? Qu'est-ce que vous êtes à journal? Oui, super de belles températures. Pas trop chaud, vraiment pas déplaisant. Mais une très belle température. J'ai une autre question. T'es parti avec une blonde, t'es-tu revenu avec une blonde? Oui. Et t'es encore ta blonde, OK. Oui, c'était un test, ça passait ou ça cassait. Puis le test s'est avéré positif. Ouais, une semaine, le bonheur. Une croisière en bateau, tu fais-tu de la plage, Asti? Ouais, il y a des escales. Fait qu'on a descendu à Saint-Thomas, Tortorella. Tortorella. Il coach des Blue Jackets, le Tortorella. Ouais, c'est ça. Puis Nassau, puis c'était là où est-ce qu'on faisait des plages. Donc, avec les plages, combien de temps vous avez? C'est des escales à peu près 3-4 heures. Là. Fait que tu sais, les gens, ceux qui faisaient des expéditions, puis payaient. Nous autres, ce qu'on voulait, c'est aller sur la plage, s'écraser là. Des plages publiques ou des plages? Je veux dire, ces plages-là, ils... C'était public, mais à chaque fois qu'on y était, il n'y avait pas beaucoup de monde. On avait la paix, puis l'eau était écœurante. Puis moi, j'ai pu profiter des vagues. Ben, c'est ça que je voulais. T'as pas vu de requin? Puis c'est dans l'eau aussi. Hein. Non, c'est ça, je me demandais, y en a-tu là-bas? Mais ben, je pense que oui. Ben, oui Nassau, oui. Bahamas, des requins-marteaux, les tropiques. OK. Parce que t'es allé dans le monde de Johnny Depp, là, comment? Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, t'es allé dans les Caraïbes, hein? OK. Ben, il y a beaucoup de requins-marteaux. Il y a pas juste les requins-marteaux, mais ça, c'est un requin commun. Parce qu'on aime bien ça. OK, vas-y. C'est quoi les films qui jouent au cinéma de ton bateau? Ah, c'était plate. Non, il y avait des films pour... attends, il y avait, à un moment donné, Star Trek 3D, mais ça, les films étaient trop tôt, trop tard. Il y avait aussi un film Deepwater Horizon. Il y avait Titanic. Non, mais il y avait Deepwater Horizon, ça c'était avec Mark Wahlberg, ça se passe sur un pétrolier, histoire vécue, je pense. Pas un pétrole, mais affaire dans la plateforme de pétrole. Ouais, c'est ça. Sacrément, tu t'en vas en croisière des croisières. Tu vas faire une croisière des Caraïbes et de Christ, un film de même, est-ce-tu? Ouais. Si ça va, un film politique plate, là. Ouais. Politique. Non, mais l'affaire de. C'est ça. Tu tiens pas de. La plateforme de pétrole qui a pas arrêté de faire couler du pétrole là, dans le golfe du Mexique. Oui, mais c'est pas le genre de film que t'as le goût de taper quand tu vas en vacances. Non, c'est un film popcorn, tu sais. Ouais, t'as raison. Mais y a-tu plus qu'une salle de cinéma là-bas? Oui. Ben, y a une Christie de belle salle de théâtre avec un bel écran. Nous autres, on écoutait un film sur la poupe à l'extérieur, la poupe. La quoi? La poupe. Poupe. OK. Moi, les poupes, ouais, c'est ce que les chiens font, les poupes. Hey, Marc, il est en feu aujourd'hui. La poupe du bateau, c'est écœurant, c'était le soir. Ouais. Mais non, mais quand c'est une belle salle, c'est combien de places, hein, cette salle-là? Tabarnouche. C'est immense. Ouais, ouais. C'est digne du TNM, là, c'est ça? On parle de 1000 places. Ah, ouais. Non, pas grand comme les TNM, là. L'impérial, peut-être? Ah ouais, l'impérial. Ah ouais, okay. C'est genre 500. Non, mais tu sais, c'est un bateau, c'est un bateau de 18 étages. Il y a, je sais pas moi, 26 restos. 26? J'exagère, mais ça ressemble à ça. Moi, il y en a un, le Manhattan, un restaurant, puis on allait là, puis c'était gigantesque. Y a-tu une avenue principale avec plein de boutiques? Il y a des boutiques, il y a la... Ouais, ouais, il y a... Il y a quoi? C'est une roue? Il y a un casino. Non, il y a un casino. Il y a un arbre en arbre. Il y a des... Oui, il y a un arbre. C'est pas des arbres. C'est pas des arbres. Mais c'est quoi? C'est des palmiers? C'est du métal, là. Mais tu sais, c'est à l'extérieur. Il y a des glissades d'eau. Dont, là, j'ai jamais eu peur d'une glissade d'eau, sauf sur le bateau. Il y en a une qui m'a fait super peur. Pourquoi? Tu sais, c'est celle... Non, tu sais, c'est celle. T'es vertical, t'es sur une trappe. Puis là, la trappe, elle s'ouvre, puis là, tu fais là, tu descends, je sais pas combien d'heures de... Crise de bateau, toi, là, ça te prend 3 secondes à faire, mais tu flyes en tabarnouche. Mais, non, c'est ça. T'es-tu perdu là-dedans? Non, ben, au début, non, c'est bien affiché. T'as pas joué à cachette avec ta blonde? Notre chambre, non, on pourrait plus. Mais notre chambre, je sais pas qu'on arrivait, on prenait l'ascenseur ou bon, on prenait les escaliers, puis on arrivait au couloir de notre chambre, là. Nous autres, on avait la plus loin, là, puis on regardait le couloir, c'était super loin, puis on était à moitié du bateau où on se trouvait, puis nous autres, notre chambre était à la poupe, puis en tout cas, c'était gigantesque. La mais, poupe! Non, mais tu sais, c'est un gros luxe, c'est sûr, c'est de la petite pollution. Ça a coûté combien? C'est 2300 à peu près. Par personne? Puis honnêtement, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Ouais, mais tu dis, c'est une pollution, mais tu sais, quand tu prends l'avion pour aller dans le sud, ou tu prends l'avion pour aller n'importe où dans le monde, je pense qu'un avion, quand ça traverse Montréal-Paris, je pense que c'est l'équivalent de plus que 500 voitures. Fait qu'un avion aussi, ça pollue en sacrément un avion. Là. Surtout que c'est dans l'atmosphère, c'est à haute altitude, parce qu'il y a... Non, mais... La pression, ça se répand plus. Ouais, non, mais je parle peut-être plus des déchets... occasionné de la marque du monde sur le bateau qui tombe puis les pailles tu sais après avoir vu un petit vidéo sur YouTube où on voit une tortue qui se fait enlever une paille une paille, elle a une paille de rentrée mais c'est quoi le rapport avec ton bateau puis une paille? Parce que nous autres, on était tout le temps avec plein de pailles. Ils nous servaient nos cocktails, puis avec des pailles. Puis le monde crissait dans la mer. Ils sont pas supposés. Mais ils disent. Ben non, c'est sûr. Non, ils disent. Il y a du vent aussi, le vent qui fait partir les pailles. Quand le vent est vide, là. Ils disent, là. Du vent. Mais ils disent que par contre, ils disent par contre les restes de bouffe, ils crissent ça à l'eau parce qu'ils disent que les poissons aiment ça puis que c'est bon pour eux autres. Mais c'est sûr, les poissons tout le temps mangent ça de la bouffe des bateaux, hein. C'est comme ça qu'ils survivent. Puis deux autres petits commentaires, 95% des du service, les gens qui travaillent là, c'est des Philippins. Oh. Et non pas des Américains, parce que l'enregistrement du bateau, il se fait pas aux États-Unis. S'il se faisait aux États-Unis, ils sont obligés d'employer 85% d'Américains. Fait qu'ils font ça en Nassau. Ils exploitent. Ouais, mais ils font ça en Nassau, donc ils engagent des c'est 85% de Philippins quasiment. Oh. Je sais pas s'ils exploitent. Ben, Américains, pas sûr qu'ils auraient été mieux traités non plus. Hein. Non. Philippins. Peut-être qu'un Américain, il aurait peut-être pas aimé se faire payer 3 piastres de l'heure ou 2 piastres de l'heure. Mais en tout cas, le service était vraiment impeccable. Parles-tu français? Ben non, je parle anglais. Mais ce qui me faisait chier un peu, c'est la majorité de la clientèle. Je veux dire, moi, on se considérait un peu comme au paradis, tu sais. Ouais. Sauf que si le paradis, les gens au paradis sont de même, ils ont l'air bêtes de même, je veux rien savoir. Tu sais, t'es sur le bateau, puis les gens avaient l'air bêtes. Okay, des petites familles ont l'air bêtes. En tête, qu'est-ce que vous collez là? Ça vous tente pas d'avoir l'air ébloui? Oui, on n'est pas dans une croisade. Émerveillé. Ils avaient toutes l'air bêtes. On se tenait loin d'eux autres. As-tu fait des amis? Pour moi, c'est non. Tout le monde qui dit regarde le Québécois, il est maudit qu'il a l'air bête. Mais comment ça, c'est vraiment? Moi, je regardais souvent le monde avec des sourires. Est-ce que vous avez abordé du monde? Est-ce qu'il y a du monde qui vous a abordé? Ben, il y en a certains qui se parlaient, tu sais. Mais souvent. Ma première impression dans les gros restaurants, là, les gens avaient de l'air, étaient bêtes, étaient quasiment. Mais vous avez abordé personne. Ben c'est bien, pourquoi on aborderait personne? Mais sacrément, c'est peut-être vous autres qui sont. Non, bons. Mais les gens nous intéressaient pas pantoute. C'est ça que je disais. Les gens nous intéressaient pas pantoute. Puis c'est vraiment mélangé, hein. Puis là, heureusement, il y avait pas trop de belles filles, là, parce que ça, c'est gossant. pas trop de belles filles. Mais il y a pas mal de gros, ben des lettres, mais. C'est quand la fois t'as fourré. Faut que tes enfants. OK! Alors, maintenant... T'as parlé de filles depuis tout à l'heure. Nous allons... merde, t'as pas un ventilateur, ça pue. Non, mais je l'ai dit à Christine, là, je suis content que... Que tu veux que t'étais fidèle? Qu'il n'y avait pas trop de belles filles, parce que j'aime pas la tentation. Puis j'ai dit ça? Elle comprenait, ben oui, elle comprenait. Elle comprenait? Ben oui, wow. J'ai dit, parce que c'est plate, c'est juste des corps, là, les filles en mannequin, en bikini ici, là, tu sais, puis c'est juste des corps, la tête, il n'y a rien dedans. Ouais, moi, quand j'étais à Cuba, la dernière fois, il y avait des monokinis, tu sais, au Mexique aussi. Toutes des Simone, c'est quoi? Comment tu peux savoir ça? J'ai dit des Simone? Non, mais... Toutes des épaisses? Non, mais t'as dit, c'est toutes des corps, mais ils n'ont pas de tête. Ben, par expérience, non. Non, non, mais souvent, tu sais, comme... Non, non, mais c'est comme... Non, non, mais c'est pas comme... Non, mais j'écoute... Ta blonde, elle a-tu une tête quand t'es en bikini? Oui, c'est pas ça, c'est que les filles, justement, tu sais, qui ont des faux joe. Je traite pas d'épaisse, là. Non, je parle... Ah, des bimbos aussi. Ouais, je parle des bimbos, là, mais je traite pas d'épaisse, pour ça je dis, sauf que c'est vraiment de la tentation, les regarder, puis... c'est quoi le mot? Je cherche aussi de la... Quand t'es, c'est ça, le synonyme de tentation, Chris. T'as le goût des violets, là, t'as le goût des léchés. Mais c'est comme... La luxure, là, c'est comme... une érection. C'est comme un mal inutile, t'en regarder vie, ça, puis... C'est mon opinion. Je dis pas que les femmes, c'est des connes, c'est pas ça. C'est que j'aime mieux pas les voir. C'est comme aller aux danseuses. J'aime mieux pas les voir. Ça sert à rien. Moi, quand je vais à la place, c'est juste ça. Je fais regarder les filles et les déshabiller. Ben, je sais, mais j'ai réalisé que j'aimais mieux quand il n'y en avait pas. Je m'achetais mieux dans ma tête. Tu comprends-tu, Aster, pourquoi il voyait les autres à l'air bête? Parce que lui, il dit, je vais mieux pas les voir. Que les autres ressentaient ça, c'est certain. Ouais, il dit, tu sais que le Québécois qui arrive, il faut pas le goût de parler, lui. Imagine ta face quand tu vas des filles en bikini. Qui une face de le gars dans une sec, là. Alors, nous allons maintenant sauter sur nos orgasmes et nos marasmes. Ce qui nous a fait chier, ce qui nous a fait jouir. Hein? Marc Latrémouille. Ouais. Je vais commencer avec... je pense que j'ai deux marasmes. Je vais y dire les deux. En arrivant ici, j'ai entendu dire que maintenant, les journaux... Comme à l'époque, tu sais, quand arrivait le 1er avril, il lâchait vraiment une nouvelle qui était un genre de poisson d'avril qui était pas vraiment vrai, mais pas vraiment fausse non plus. Puis on se faisait tout le temps pogner. Mais là, aujourd'hui, avec toutes les fausses nouvelles qui courent à tous les jours, la plupart des journaux ont décidé, on arrête ça. C'est ça, avril à tous les jours. Arrête quoi? Bon, on arrête de faire des poissons d'avril. Ah, OK. Le monde est rendu dans les. Il y en a chaque jour. Mais oui, ben, je veux dire. Même en croisière, le monde a déshabille plus les filles du regard. Le monde a les faces de beurre. Un autre marasme, on va y aller parce que, gars, le temps file. Ah, ton marasme, c'est qu'il n'y a plus de poisson d'avril? Ouais. OK. Ben, plus comme avant. Ouais, c'est poche. La nostalgie, hein. c'est contre les boss parce que je me suis pogné un petit peu un boss. avec un boss à la job. Pis... Mmh. Ouais, c'est quoi son nom? Non, je le connais. Non, c'est un tout nouveau. OK. Lui, il était... Attends, moi, je suis un simple employé. Au-dessus de nous, c'est des superviseurs. Puis au-dessus de superviseurs, c'est surintendant. Lui, c'est un surintendant. Puis il était 6 mois superviseur. Puis avant ça, il était pas chez... il était pas... Non, il était ailleurs. OK. Puis, bon, c'est beau de dire quelque chose, mais faut que tu saches quand même... Faut que tu sois capable de le communiquer ce que tu veux dire. Puis il répétait tout le temps la même chose, Non, t'as pas raison à cause de ça. Non. Puis là, je fais, voyons, c'est comme un running gag, un mauvais running gag, là. Puis écoute-moi ce que j'ai à dire. Puis il écoutait pas. Puis là, après ça, le gars, derrière de moi, il dit, ouais, mais savez-vous, quand on fait telle affaire, il arrive telle autre affaire. Puis là, le surintendant, il fait, hey, toi, retourne travailler. Tu sais, il est pas vieux, le bonhomme, là. Ouais, il est dans la trentaine, là. Puis, je trouve qu'il a pas l'affaire. Parce que c'est facile d'être boss. C'est vraiment facile d'être boss. Il y a une certaine... facile d'être sympathique aussi. Il y a une certaine hiérarchie. Ouais, mais il n'a pas l'air efficace. Non, pas du tout. Exactement. Il y a une hiérarchie, il faut que tu respectes dans l'autorité. Là, puis c'est facile de donner des ordres parce qu'il peut avoir des conséquences contre toi. Là. Ça, je comprends ça. Ça, c'est facile. Des ordres dans l'armée, point. Non, mais... point. Il y a pas on donne pas d'ordre ailleurs que dans l'armée. C'est pas à tout le monde d'être patron parce que aussi, il faut que tu sois plus que ça. Il faut pas que tu donnes des ordres. Il faut que tu sois, par exemple, pour tes superviseurs qui sont en tutoie, il faut que tu sois capable de les coacher, de les encourager. Faut que tu sois capable de leur diriger vers la bonne décision. S'il y a une mauvaise décision qui est prise, parce que il va toujours en avoir des mauvaises décisions. Faut que tu saches aussi ce qu'ils font comme job, là, pour pouvoir bien les diriger. Et ça, c'est une affaire. C'est que lui-même, il sait pas, parce qu'il est trop nouveau dans la compagnie. Fait qu'il y a même pas. Fait que, anyway, c'était mon marasme, là, contre tous ceux qui sont nommés patrons sans même vraiment avoir de l'expérience. Je comprends pas pourquoi. Il y a des personnes qui se sont présentées contre lui, pas contre lui, là, mais il y a des personnes qui se sont présentées pour être surintendant et qui ont 10 ans d'expérience comme superviseur, qui n'ont même pas été choisis, puis c'est lui qui ont pris. Puis je comprends pas pourquoi lui s'est présenté pour être surintendant. D'après moi, il s'est fait dire, hey, vas-y, présente-toi, là, on veut pas que les autres soient Oui, c'est des graines, je sais pas, là. Mais je sais pas. Il a l'air orgueilleux, puis on dirait que... Non, mais regarde, mais des fois, nous autres, on en a une, là, la mienne, là, tout le monde la déteste. Puis pas juste les employés, tous les autres superviseurs, ça n'a pas d'allure, c'est un autre personnage, ça. Puis elle exerce, elle travaille avec la menace, elle travaille avec le mensonge. Mensonge en plus. Quand elle parle dans le dos des employés aux autres employés, puis mais tu sais, elle est narcissique, elle pense qu'elle a raison, puis c'est une tyran, un tyran au féminin. C'est tyrannesque? Une salope. Ouais. Mais en tout cas, c'est fou, mais c'est un personnage. Faut pas que tu t'attardes trop, sinon tu vas y sauter d'en face. Fait que moi, j'en ris, puis tout le monde l'a dans le cul, de toute façon. Ouais, bon. Hey, bon, ben, j'ai 2 orgasmes aussi. mon premier. T'es capable à 55 ans de. Ouais, c'est ça. 50. Moi, il me faut 50, moins 24 heures, 51 bientôt. Dans un mois. Hein? Moi, il me faut moins 24 heures en 2 orgasmes. Ben, dis-toi qu'on va dire que c'est dans 24 heures, je vais le dire. Mon premier, c'est Éric Duhaime, la sortie qu'il a faite la semaine dernière. Pas nécessaire... T'es pas mieux parler contre les gays, toi. Non, non, c'est lui qui parle contre les gays, et si, pis c'en est un. C'est pas nécessairement à cause qu'il parle contre les gays que j'ai un orgasme, mais c'est plus que ce que dit à tout le monde en parle. C'est ici, au Québec, on dirait qu'on est allergique au débat. Ils en France, c'est courant, cette affaire-là. On débat sur quelque chose, puis il y a des pour et des contre. Ici, on dirait qu'on n'est pas capable, dès qu'il y a un pour ou un contre qui s'affrontent dans 2 idéologies différentes, on capote complètement, alors qu'on devrait justement être à l'aise là-dedans. Ben, déjà, c'est là-dessus. Éric Duhaime ne débat pas. En partant, lui, ce mec-là ne débat pas. Ouais. Si t'es pas d'accord avec lui, t'es un con, puis ça finit là. Ben, OK. Peut-être. Sauf que j'ai été d'accord sur ce qu'il a dit. Ben oui, pourquoi pas, des fois. Tu sais, on devrait être une société comme en France, être capable de débattre, puis être capable de se respecter après le débat. Il a dit qu'on débattait pas, puis qu'il voudrait qu'on débatte. Oui. Mais c'est un mec qui ne débat jamais. C'est ce qu'il a dit, tout le monde en parle. Fois. Mais en même temps, c'est un trou de cul, ce mec-là. Là. Bon. Mon deuxième orgasme, c'est 57 rue de Vaudreuil. Oh ben, moi aussi, je l'ai vu, ce film-là. Non, c'est pas un film? Non, pas du tout. Okay. Non, je me demandais, tu es en train. Je fais, voyons, c'est ça. C'est un bordel. Ah oui, tu connais? Non, c'est en France. Ouais. C'est avec l'explosion des podcasts. C'est un podcast, justement. C'est un feuilleton. C'est un radio-roman. C'est vraiment très, très bien fait. Puis on dirait que L'opinion que j'allais dire, c'est il y en avait énormément dans les années 1940, des radio-romans, là, puis ça c'est comme mort avec l'avènement de la télévision, mais on dirait avec l'explosion des podcasts, il y en a de plus en plus de ces trucs-là, de ces radio-romans-là, et c'est vraiment excellent. Ça ressemble un peu à House of Cards, mais du côté français, c'est sous la présidence de la France, et c'est surtout l'histoire du premier ministre français qui est comme le second chef d'État en France. Puis c'est vraiment excellent parce que les acteurs sont très, très bons. C'est tellement naturel quand ils se mettent à parler. Le son est excellent. Moi, je l'écoute avec des très bons écouteurs. Donc, il y a un travail de son incroyable. Quand quelqu'un parle loin, par exemple, il est dans une voiture, sort de la voiture, tu l'entends parler à l'extérieur de la voiture, tu sais qu'il est rendu plus loin, t'entends les pas marcher, t'entends les sirènes de police, t'entends le son, point de vue du son, c'est un travail incroyable. Puis à la fin, ils font le générique, puis il y a peut-être une trentaine de personnes t'entends là. Hugo nous en avait proposé un. Mais j'avais regardé complet, c'est Zambie, c'est la même chose. Comment ça s'appelle? Avec un travail audiophonique de malade, là, en trois dimensions, si tu sens le bruit du vent, un oiseau loin. Ça s'appelle comment, lui? C'est exactement ça. Je me souviens plus, mais c'était génial. C'était sur les zombies, c'était cœur. C'est la même chose, tu as fait un téléroman de zombies. Là. Mais c'est génial. Mais c'est vraiment bien fait. Moi, j'ai two thumbs up, deux pouces en l'air. Combien d'épisodes à date? Jusqu'à maintenant, c'est vraiment drôle. Les épisodes durent 25 minutes chaque. Ils en ont 15 épisodes jusqu'à maintenant. Puis ils vont par saison. 5 premiers épisodes, ils disent saison 1. 5 autres, saison 2. Puis là, je suis rendu à la saison 3 au 15e épisode, qui est le 5e épisode de la saison 3. Comment ça s'appelle? 57 rue de Vaudreuil. C'est une affaire politique, là. Oui. Mais fictif. C'est tout des... Il n'y a pas de clin d'œil? Non, vraiment pas de clin d'œil. Sûrement comment ça se passe dans la politique. Ils vont bientôt aller aux urnes, les Français, ils auraient pu faire des clins d'œil. Non. Toi, orgasme et marasme. Ouais, moi, mon orgasme, c'est que je me suis acheté un nouveau jeu de société qui s'appelle Smash Up. Je voulais un jeu de cartes. Puis c'est Roman qui m'est arrivé avec ce jeu-là. À un moment donné, il a dit qu'il avait joué à ce jeu-là à l'école. Puis j'ai fait, c'est quoi ce jeu-là? Smash Up, c'est un jeu de cartes avec des factions. Tu peux faire des ninjas, des zombies, des pirates, des robots, des magiciens, du steampunk, des vampires, des fantômes. Tu peux faire des plantes, tu peux faire des fourmis géantes, tu peux faire des loups-garous. Tu peux faire toutes sortes de créatures typiquement geeks. Tu prends deux factions de 20 cartes chaque, tu les mélanges et à partir de là, tu dois essayer de conquérir une base avec deux ou trois autres joueurs. C'est génial, ça joue extrêmement rapidement, c'est très drôle, c'est très simple, les règles s'expliquent en 5 minutes. Ça dure à peu près 45 minutes, c'est le genre de jeu que j'adore, c'est mon kid qui m'a fait découvrir ça. Bref, ça m'a coûté une fortune parce que je me suis acheté 4 extensions avec ça, puis j'ai tout sleevé mes cartes, autrement dit, j'ai mis les cartes dans des petites pochettes, ça m'a coûté 80 piastres juste de sleeve de cartes, Asti. Mais je suis super content, le jeu est cool. Non, vas-y donc, il y a Marc qui me pointe du doigt. Là. Non, parce que c'est une parenthèse qui n'a aucun rapport avec le podcast. Les sleeves de cartes, là, il va falloir que j'en achète moi avec. C'est tout, on change la parenthèse. Pour mémoire? Oui. Je veux dire, c'est quoi la grandeur que tu as? OK, parfait. Puis, ben mon c'est mon orgasme, à cause de mon kid. Puis mon orgasme à cause de mon kid. Ouais, ouais, mon marasme, c'est à cause de mon frère. Parce que... Parce que, ben... Je le vois venir! Ben, j'aimerais ça jouer avec lui, à ça. En mémoire? À n'importe quoi, en fait. OK. C'est un marasme, ça? Ben oui, c'est une tristesse, là. C'est un blues, c'est quelque chose qui... Ah, je pensais... Okay, t'as confiance. Correct. Ben, je t'ai pas vu venir là-bas, j'ai aucune idée de quoi t'allais parler. Oui. OK, c'est à moi. Mon orgasme. Tu te rappelles-tu, mon frère, à un moment donné, Elvis Graton, tu sais, Monet, quand tu avais passé fait des heures. Les cheveux? Il y a une scène. Il y a une scène dans Elvis Graton, là. Une scène d'à peu près 4 minutes. Puis il prend une brosse. Le premier Elvis Graton. Ouais, il prend une brosse, puis il brosse ses cheveux frisés. Puis ça fait du son. Dans puis, le miroir. Puis là, après, il se met du gel, puis il s'arrange les cheveux. Ça, c'est une scène d'à peu près 4 minutes. Ben, 2 minutes et demie, 3 minutes, là. Mon frère, je te le dis, là, il écoutait la Rewinded juste à cause du son. Puis les gestes, je sais pas, le voir placer ses cheveux, structurer ses cheveux, se regarder dans le miroir, puis qu'il fasse le bruit de la brosse. Puis t'as fait une espèce de petite peignure à la Elvis Presley, là. Je devenais hypnotisé. On parlait d'auto-hypnotisme chez mes soeurs. C'était exactement ça. J'étais dans un autre état, genre un peu de gaga. Attends une minute. Avez-vous écouté Infomania? Puis c'était la remise des prix des Aurores. Ah, okay. Donc, à un moment donné... Ouais, les Aurores? Ouais, c'est les pires films québécois. Là. Ouais, okay. Ouais. Puis à un moment donné, une catégorie, c'était pour les cardiaques. Ça veut dire où est-ce qu'il se passe rien. Okay. Il y avait des extraits de films. Une fille sort des toilettes, elle se lave les mains. Après ça, une deuxième sort des toilettes. Elle se lave les mains. Une troisième femme sort des toilettes. Une elle se lave les mains. Je m'en souviens même plus. Okay. Fait que ça me fait penser à ça, ton truc de Russ Gratton. C'est-tu un truc pour cardiaque, là? Parce qu'il se passe rien, puis il se peigne. Ouais. Mais moi, je vais vous montrer. Moi, c'est sur... j'ai le même effet, mais moi, c'est pathétique, mon affaire. Ils vont m'interner. En tout cas, c'est... vous savez, c'est quoi? Des butterfly... C'est des mango worms, des butterfly, puis des abcès qu'on retire aux animaux. J'ai juste à en montrer un live, là, à Marc la Trémouille. Puis, attends, mais il n'y a pas de... on les guérit, fait qu'il n'y a pas de... Attends, regarde bien. C'est un chat, ça? Le Marc regarde quelque chose. Attends, regarde bien. C'est le chat qui crie? Ouais, attends, regarde bien. C'est quoi ça? Pourquoi tu... Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Je veux voir. C'est quoi, il est retiré? Attendez. Là, avant que je le montre, c'est juste pour expliquer. Là, l'animal, c'est pas de la cruauté, c'est qu'on le guérit. On lui enlève sa souffrance. D'après moi, il était chez le vétérinaire. Fait que souvent, ouais, c'est ça. Fait que puis les butterflies, c'est des grosses larves, des gros vers qui se retrouvent là. Où ça? Ça peut être dans le corps, tu vas voir. Là, c'est dans sa tête. Des mango worms, ça c'est plein, ils en ont une centaine sur le corps, puis ils font juste peser sa peau, puis tu sais, ça sort comme la plasticine, là. C'est pas pour Québec, ça? Puis non, je pense pas. Okay, puis des abcès, ils vont crever des abcès. Ben, je te dis, je regarde ça, puis j'ai des petites sensations, j'aime ça. Regarde ça, là, je sais pas si tu l'as déjà vu. Puis ouais, ça me filme une petite... Oups, là, je suis en train de regarder. Hey. Ouais. Fait que là, il regarde. Okay. Hey, il est énorme, hein? C'est un chaton, plus de ça. Oui, il n'est pas vu, le chat, en plus. Puis le pire, c'est que je pense que lui, après, on va y en chercher un autre derrière la tête. Lui, en tout cas. Mais il y en a ça, plein. C'est des chats abandonnés ou quoi, ça? Ben souvent, c'est pas dans les pays... non, c'est ça, c'est pas à Montréal. C'est pas les propriétaires qui ont des... Souvent, c'est dans des pays peut-être tropicaux. Puis ouais, il y en a... les mango worms, là, c'est ça, c'est... tu les vois pas, puis là, tu fais juste peser sur... genre, tu prends la queue du chien, là, tu pèses fort, comme si tu pesais sur une peau de banane. Une banane, puis là, ça fait... Mais là, c'est comme plein de petits vers de terre qui sortent. Souvent, ils vont t'endormir parce que ça peut faire mal, ouais, mais... Tu montres un, celle-là, ça m'intéresse. Mais moi, ça m'excite. On dirait que j'aimerais ça le faire. J'aimerais ça enlever la douleur de l'animal. Une parenthèse, puis... t'aimerais peut-être ça. J'ai vu les vidéos, c'est les choses parfaites. C'est des vidéos, par exemple, de quelqu'un qui coupe une tarte. Quelqu'un qui coupe une tomate. Ouais, OK. Je sais pas si t'as déjà vu ça, là. Ça me dit quoi? C'est des vidéos qui... C'est des perfect vidéos, je pense qu'ils appellent. Puis c'est des choses parfaites. Genre, par exemple, quelqu'un qui va, je sais pas, c'est ça. Mesdames et messieurs, avant le podcast, Christian et moi, on parlait de personnes weird dans la vie. Eh bien, avec ce podcast-ci, vous êtes servi avec les deux Jodoins. Merci. Attends, ouais. Regardez, ça en est comme les mango worms, là. Excusez pour ceux... Il y en a partout sur le corps. Fait que ce que je montrais, c'est des mango worms, c'est que tu pèses sur les parties du chien, puis il y a plein, des centaines de petits vers sous la peau. Comment il fait pour se ramasser avec ça, ces vers-là, sous la peau? Sûrement, il a-tu avalé ça? Il a sûrement bu de l'eau ou peut-être un insecte aussi qui a été pondre quelque chose. Mais je regarde ça, ça me fait de l'effet. Bon, quiz! Je voulais finir. On dirait les asticots sous la peau. Okay. Puis je voulais juste. Puis mon marasme, ben, c'était le fichier RSS. Là. C'est le fichier RSS, là. On comprend rien. Ouais, c'est des extrêmes droites là, qui ont été la cause de nombreux décès. Quoi? Les RSS. Les chutes du stuff. C'est pas RSS? Oui, ouais, c'est RSS. Fait que pour le fantôme qui nous écoute. Tu vas en combattre tout à l'heure, toi, d'ailleurs. Si quelqu'un sait c'est quoi un fichier RSS, c'est pouvoir. On aimerait bien pouvoir se diffuser quelque part, parce que là, on est. Comme il y a juste une toi qui nous écoute. Ouais. On parle dans le vent. Bon, il a arrêté. À un moment donné, les gens, c'est cœur. OK, Marc Latrébeau, il t'avait-tu un quiz? C'est pas un quiz. La dernière fois, je vous avais parlé de des. Monsieur, mais puis quoi? Puis j'avais parlé d'un gars de Toronto qui a passé à travers une fenêtre parce qu'il était en train de la tester. Darwin Award. Oui, parler de Darwin. C'est assez bizarre. Le lendemain, Olivier Niquette, à la soirée, est encore jeune, il a parlé de 3 Darwin Award. Hein? Le lendemain, oui. Ah, j'ai peut-être pas encore écouté. Non, t'étais pas là, t'étais ça, je l'ai pas encore écouté, donc. Dans un autre pays. Je vais l'écouter demain. À ce moment-là. Ah, ouais. Je vais vous en parler de quelques-uns, mais justement, celui qui c'est Gary Hoy, qui s'est pitché par la fenêtre de Toronto, bien sûr, dans le top 15 des Darwin Awards, c'est, le numéro 1. Okay. Je sais pas, je devrais le rappeler. Puis je sais pas, je devrais rappeler c'est quoi les Darwin Awards. C'est ceux qui sont morts d'une mort vraiment ridicule, là. Puis ils ont fait avancer l'humanité en se débarrassant des personnes les plus stupides, en se débarrassant d'eux autres-mêmes. Je vous résume ça assez bêtement, là, mais c'est ça. C'est un notaire de 39 ans, Gary Hoy, est tombé du 24e étage de l'immeuble, la Bank Tower à Toronto, a démontré la solidité des vitres à des étudiants en stage. Bien, son coup d'épaule fait sortir la vitre de son cadre, puis il s'écrasa à 24 étages plus bas. Ça, c'est celui que j'avais nommé. Il n'a pas tué quelqu'un. Chanceux. Imagine-toi, en plus de ça, il est en procès pour avoir tué quelqu'un. Après ça, titre posthume, c'est ça? Ouais, là, c'est les parents qui vont... Olivier Niquette en a parlé, tué par un bâton de dynamite. C'est Paul Staller puis sa femme. Ah non, c'est pas celle-là. C'est... Bon, je vais le dire pareil. L'as-tu lu ton assis module? Je l'ai lu, mais il y a deux bâtons de dynamite là-dedans. Eux, ils sont morts... vas-tu le dire? Et sa femme sont morts par un bâton de dynamite qui a explosé dans leur voiture parce qu'ils s'ennuyaient à bord de leur voiture à 2h du matin, puis ils ont voulu allumer un bâton pour ça, puis le jeter par la fenêtre voir ce que ça faisait. Sauf qu'ils n'ont pas remarqué que les fenêtres étaient fermées. Il y en a un autre, un homme à Détroit. Oh, ça a dû péter, man, dans votre jeu. Un homme de 41 ans est mort noyé dans 50 cm d'eau après avoir passé la tête dans une bouche d'égout et s'être bloqué en cherchant ses clés de voiture. attends une minute. Il y a une bouche d'égout. Où ça? À Détroit. Il n'y a plus la rentrée, mais il ne pouvait pas sortir. Il n'y a plus à rentrer. Ben, c'est comme. Peut-être avec les oreilles. Les oreilles, ça rentre. Ouais. Après ça, de l'autre sens, ça bloque. Là, je ne sais pas. Je n'étais pas là. Asti de sans dessin. Ça, Olivier Niquette en a parlé. Un homme a ouvert une lettre piégée qu'il avait envoyée et qui lui avait été retournée par la poste parce qu'il manquait le timbre. L'anthrax, quoi? Ça a explosé, qu'il a dit, non? Un homme en Alaska a lancé un bâton de dynamite sur un lac gelé pour on ne sait quelle raison, sauf que accompagné de son chien de chasse, dressé, celui-ci lui a rapporté. Il y a une vidéo, tu le vois? Ben oui, on a. Ouais. C'est sur YouTube. Okay. Non, pas sur YouTube, le chien et le gars, ils sautent, là, évidemment. Là. Ouch. Ouais, je m'en souviens, celui-là. Ah, c'est pathétique. Il y en a un, Robert Poilot, de 32 ans, a volé un hot-dog sur un marché de Saint-Louis. Et les services n'ont plus le réanimer après avoir retiré de sa gorge la saucisse de 15 cm qui l'a étouffé. Ah, celle-là est bonne, celle-là. Un révérend brésilien a essayé de battre le record du plus long vol accroché à des ballons de baudruche, soit 19 heures. Harnaché de 1000 ballons gonflés à l'hélium, il s'est élancé, s'est perdu. Il s'est fait emporter par le vent et fut retrouvé mort sur la côte brésilienne 3 mois après le décollage. Ah oui, il a dû aller haut puis il savait plus ce qui était passé. Puis lui, imagine quand il a comme réalisé que personne ne savait où est-ce qu'il était passé. Non, il est peut-être mort gelé avant. Ouais. Et un dernier, et bonne celle-là, Marc va l'aimer. Selon le rapport de police de Dahlonega en Géorgie, le cadet de police Nick Beren, à 20 ans, est mort, poignardé par son ami, le cadet de police Jeffrey Hoffman, 23 ans, qui voulait lui démontrer que la veste en Kevlar que Berenin portait pouvait résister aux coups de couteau. Mais non, il est mort. J'en avais entendu parler de ça, là aussi. Voilà. Et il l'a fait ses fonds en tabarouette, il est passé à travers du Kevlar. Oui. Il en voulait pour quelque chose, je pense. Ça doit être le couteau de Crocodile Dundee. That's a knife. C'est le temps de saluer. C'est le temps de saluer. Nos Maccabées, coin. Alors, c'est pas le plus jeune ni le plus vieux. Hein. Ici, c'est un petit spécial parce que le 22 mars, à Nassau, 2 jours avant que j'y mette les pieds, sur un bateau, l'ex-batteur du groupe Boston, ceux qui ont chanté What a fit, what a feeling, l'ex-batteur du groupe est décédé. Il jouait, Il jouait du drum. Il est mort en jouant du drum. L'exhibateur, il jouait du drum. Il faisait un kit, il faisait avec d'autres membres Blitz des Super Hits. De... Mais il est mort de quoi? Il jouait crise cardiaque en jouant, je pense, du drum. Ouais, pendant un show, ça se peut-tu? Ouais, c'est ça. Il jouait des tubes du groupe Boston avec des autres musiciens du groupe, des ex-musiciens, puis c'est ça. Fait qu'en jouant du drum, il est mort sur le bateau. Ben oui, j'en avais ri. Puis j'en avais ri sur Facebook, puis Rick avait été offusqué. C'est vrai? Ben oui, il a ri pas de ça, parce que tu sais, moi je trouvais ça drôle qu'il soit mort en show. Ok. Bon. C'est comme Molière qui est mort en show. Il paraît. Monsieur Larrivage, peut-être pas. Il est mort de quoi? Crise cardiaque, je sais pas. Sauf qu'il est mort sur scène, c'est ce qu'on dit tout le temps. Ok. Puis mon pont rapidement avec le thème d'aujourd'hui, puis le drummer de Boston. C'est le film Spotlight. Vous connaissez le film Spotlight? Rappelle-le-moi. C'est adapté de faits réels. Spotlight retrace la fascinante enquête du Boston Globe, couronné par le prix Pulitzer, qui a mis au jour un scandale sans précédent au sein de l'Église catholique. Boston, Église, c'est ça le pont. Puis l'autre, j'ai absolument rien à dire, sauf que... La toune des X-Files, Marc. Puis Janine Citeau, qui est morte à 122 ans. Ouais. Merci beaucoup. Elle est née en 1929, elle, je pense, calique. À Paris, en plus de ça. 22. Je l'ai jamais 1922, c'ti. À Paris, ouais. Ouais, c'est vrai, française. Ouais, française. Tes parents travaillaient dans un journal, c'est ça? Ça, je sais pas. Avez-vous d'autres choses à dire? Janine Citeau, dites-vous vos souvenirs de Janine Citeau, là, hein? Poivre et sel, non, c'est une... Poivre et sel? Ouais, poivre et sel, oui. Comment ça s'appelle? La tulipe. C'est, sur, ouais, c'est surtout de ça que je la connais, elle. À 20 ans, elle devait être baisable. Là. Mais je crois... Mais sa fille est baisable, Mireille Desglin, elle a toujours été belle. Ben, ça fait à quel âge? 72 ans? Non. Moi, elle doit être rendue vieille, mais... Je crois, je suis pas certain. Moi, quand j'étais jeune, j'ai pas votre âge, j'écoutais la série Moi et l'autre avec Denise Filiatro et Dominique Michel. Et je crois que Janine Citeau jouait une des mères déjà. Ouais, je pense aussi qu'elle jouait là-dedans. Jouait une des mères des deux. Fait que déjà, à cette époque-là, était déjà vieille. Elle jouait aussi chez Denise. Ça, je me souviens pas. Okay. Il n'y avait pas le grand, l'homosexuel avec les cheveux noirs. Salut les filles! Christian Lalancette. C'est ça. Il n'y avait pas les cheveux noirs. Il y avait les cheveux roux là-dedans. Non, je ne parle pas du barbu qui est mort il n'y a pas super longtemps. Là. Je parle d'un autre plus grand, mince. Lui, il est mort probablement il y a 20 ans. Benoît Marleau! C'est ça. Mais non, mais c'est lui, il a fait des voix dans Simpson, je pense, puis il a fait des voix dans Slapshot. Pour vrai. Tu sais que c'est des fois de slap shot. Mais lui, il est mort il y a au moins une vingtaine d'années. Benoît Marleau. Il y avait un petit coup. Mais non, je pense. Des pantalons et les chandelles. Je pense pas qu'il est mort parce qu'il faisait des voix dans Simpson. Oui, je pense qu'il est mort, mais pas il y a 20 ans. Ça fait 25 ans, ça existe. Je pense qu'il est aussi vu que Janine Citeau, les Simpsons. Je pense qu'il est mort, mais pas il y a longtemps. Il est mort en 2009, 3 juin 2009. Oui, Benoît Marleau. Ouais, c'est en plein ça. Ouais. Puis Chris, ton candidite, ce petit parasite, ça, c'est dans. C'est dans Slapshot. Vous vous souvenez la série Les Pierres à Feu? Benoît Marleau faisait une voix et c'était la voix de. Son ami? Non, c'est pas lui. De Dino! il faisait tout le temps Dino. Mais il faisait juste ça? Oui, ouais. Il faisait juste ça dans Les Pierres Jesus à Feu. Jesus Christ! Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, il faut que tu sois capable de faire plusieurs voix. Là. Je me demande s'il a déjà couché avec un homme qui a dit oh, fais-moi la voix de Dino et tout. encore! En parlant de potin artistique, c'est la chronique culturelle, coin. Alors, pas de merde ni de bijoux aujourd'hui, juste un petit passage dans la revue Mad Movies que je vais vous lire, c'est vraiment court. Ça explique en gros pourquoi moi, j'ai pas vraiment trippé sur Rogue One et pourquoi certains ont aimé. Donc, je fais pas juste dire « ceux qui ont aimé ça, c'est des caves ». Je comprends et voici la raison. Alors, non, juste trois. Il faut rendre hommage à Lucasfilm et Disney d'avoir eu les couilles d'aller jusqu'au bout d'un concept méchamment casse-gueule. Deux petits points. Profiter de la relance d'une franchise grand public pour livrer un spin-off qui l'a fait basculer dans un univers adulte et violent. Ça, c'est vrai, Rogue One bascule totalement là-dedans. Oui, c'est un film de guerre. Deux adjectifs qu'on n'aurait jamais cru voir appliqués à Star Wars, dont moi, j'aurais jamais cru que ça aurait été appliqué à Star Wars. Bon. Et dont une bonne partie des fans de la saga auraient sans doute préféré ne jamais entendre parler. Moi. Moi. Particulièrement ceux ayant été conquis par le réveil de la force. On en viendrait presque à dire que le film de J.J. Abrams est un pur produit marketing à la mécanique trop bien huilée et mise en boîte par un fanboy, alors que Rogue One est un vrai film de cinéaste. La référence d'Abrahams, c'est la trilogie de George Lucas. Rien de plus. Celle de Gareth Edwards, c'est ce qui a inspiré la dite trilogie, à savoir l'œuvre de Joseph Campbell, les films de guerre et les Shambara. Shambara qui sont comme des combats d'épée, je pense, ou de sabre, ou asiatiques. Bref, c'est pas faux, ce qu'il dit. Non, c'est pas faux. Je veux dire, moi, je me considère pas vraiment comme un fanboy, mais... ce que j'ai aimé dans le réveil de la force, c'est vraiment les souvenirs retournés dans le passé, de ce que j'avais déjà vu, la pure fantasy puis l'humour, alors que Rogue One, ben c'est ça, adulte, violent, qui n'est pas mauvais, mais justement que j'associe pas vraiment à Star Wars, mais que... Mais... Mais on le savait que dès que Disney a acheté le concept, qu'il allait exploiter ça au maximum, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus dans le citron. Fait que, à un moment donné, on va s'en écœurer des Star Wars. Ça, c'est un vent. Star Wars, les films. On va s'en écœurer ou puis non. Ça dépend si Disney décide de jouer la carte de un peu l'ouverture, ça serait très bien. Disney peut être capable de faire ça parce qu'ils l'ont déjà fait. Parce qu'on voit qu'avec Rogue One, il y a déjà une autre direction vers Star Wars. Puis on ne sait pas, ils peuvent nous faire d'autres surprises. Ouais, mais d'autres ça fait exactement comme les super-héros. Les super-héros, je veux dire, ouais, les Avengers qui ont leur premier, leur deuxième, leur troisième, puis indépendamment, il y a chaque héros son petit film, tu sais. Ouais. Puis il y en a des mauvais, il y en a des bons. Ant-Man, c'était bon. Ant-Man, c'était bon. Deadpool, c'était bon. Deadpool, j'ai vraiment aimé. Mais c'est très violent, mais j'ai vraiment aimé le concept. Mais tu sais, ouais. The Avengers, c'est moyen, mais en tout cas, c'est... Mais ils font ça un peu avec toute la star, là. Ben, c'est plus une industrie artistique, c'est une industrie... À faire du fric. Tu viens de le découvrir, Marc? Non, mais je parle d'Hollywood surtout, essentiellement Hollywood. Malheureusement. S'il laisserait plus place à la créativité des artistes qui font ces films-là, on pourrait avoir des films complètement hallucinants, je pense. J'écoutais un podcast... Merci à Jason Blum. Hein? J'écoutais un podcast sur Greta Garbo. Et elle a fait la transition du cinéma muet au cinéma parlant. C'est une des rares actrices où ce qui a été capable de faire la transition. Puis était mariée, non, elle était pas mariée. Oui, elle était mariée avec un gars qui faisait un acteur qui faisait 10 000 ou 15 000 $ par semaine qui était payé par la MGM. Si, bois. C'était à 1900. On parle de 1925 là. Ben voyons donc, ça se peut pas, oui. Ça là. En 1925, 10 000 piastres par semaine, c'est impossible. Par semaine, parce que eux, ils faisaient... Non, c'est comme s'ils feraient 250 000 par semaine aujourd'hui. Ils faisaient un film par semaine. C'était production à la chaîne. Cool. Puis il fallait que ça marche. Les comédiens de Friends, là, c'était 1 million par épisode. Par épisode. Mais ça a duré 10 ans, puis il y a une vingtaine à peu près d'épisodes par saison. 20 millions par année, comme c'était ça. C'était 1 million par épisode. Mais on venait à l'époque, Charlie Chaplin, quand il a signé un gros contrat, là je m'en souviens plus c'était avec qui, il avait signé quelque chose comme 18 millions de dollars pour 15 films. C'est beaucoup, hein, pour l'époque, là, c'est énorme. Sauf que, au moins, Chaplin, il gardait pas tout l'argent pour lui. Avec cet argent-là, il fallait qu'il construise les décors, qu'il paye ses comédiens. C'est comme un studio en lui-même, là. Il faisait tout, là, avec ce 18 millions de dollars-là. Mais même à ça, c'était beaucoup pour l'époque, là. Puis c'était du cinéma muet. On voulait être muet. Hein? Ouais, fait qu'on a fait le tour, hein? Je pense que c'était le dernier podcast. Non, pas... fait que avant de vous laisser à ce monde pourri. Vous autres avez joué au moins 44, là. Une dernière bonne nouvelle. Marc Attremoy va nous googler dans l'actualité au hasard, là. Une bonne nouvelle. Fait que tu tombes sur quoi, là? C'est, voilà, bonne nouvelle pour les finissants en enseignement. Oui, oui, oui, j'ai entendu ça tout à l'heure. Attends, qu'est-ce qu'ils ont dit donc? Bonne nouvelle pour les étudiants, oui, qui termineront leur formation universitaire en enseignement ce printemps, puisqu'ils pourraient bien se trouver du travail dès septembre 2017. La commission scolaire de Montréal sera en processus de recrutement intensif, puisqu'elle est à la recherche de 850 nouveaux enseignants pour la prochaine rentrée scolaire. C'est tout ça? Oui, ben exactement. Ben c'est ça, je m'en rappelais. Toi, c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Je comprends pas, j'ai appliqué, ils m'ont pas rappelé. Fait que ça! Ça allait, là?